Votre vie de famille est monotone et répétitive? Vous trouvez vos obligations ménagères et parentales rébarbatives? Retrouvez du temps pour vous en mettant une bonne dose de créativité dans votre vie avec la collection Creative Housewife, comment compiler ses tâches ménagères. Utilisation du mode délicat de votre machine à laver pour nettoyer en même temps linge et enfant, fabrication d'un pull antistatique pour éliminer la poussière à chaque fois que votre rejeton se jette par terre, grâce à de nombreux conseils et astuces, vous condensez ménage, entretien de votre maison et des enfants en deux ou trois tâches seulement. Cette semaine, le premier numéro, la trottitondeuse, comment installer une lame sur le tricycle de son chérubin pour l'entretien automatique de la pelouse et son kit de montage pour 199€ seulement chez votre marchand de journaux. Creative Housewife, une collection aïe aïe aïe.